car vous avez délaissé le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en préférant leur loi d'émanation humaine. Huitièmement, s'asseoir avec eux, surtout quand ils se moquent des versets coraniques. Allah exalté dit, dans le livre, il vous a déjà révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah et qu'on s'enraille, ne vous asseyez pas avec eux jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous seriez comme eux. Sourate 4, verset 140. Ibn Jarir a dit, Allah nous confirme que si nous restions avec les mécréants lorsqu'ils se moquent des versets d'Allah, nous serions comme eux des associateurs. Et le verset coranique est une preuve tranchante d'Allah, nous interdisant de nous asseoir avec les mécréants, les associateurs, les innovateurs ou les pervers, quand ils commencent à parler de leur égarement ou de leur mécréance. Neuvièmement, de leur donner une responsabilité sur les musulmans. Dixièmement, de leur faire confiance. Allah dit, et parmi les gens du livre, il y en a qui, si tu leur confies un quintard, 1000 pièces d'or, te le rend. Mais il y en a aussi qui, si tu lui confies un dinar, ne te le rendra que si tu le contrains sans relâche. Tout cela parce qu'ils disent, ces Arabes qui n'ont pas de livre n'ont aucun chemin pour nous contraindre. Ils profèrent des mensonges contre Allah alors qu'ils savent. Sourate 3, verset 75. Onzièmement, les rencontrer avec un grand sourire, à cœur ouvert, les louer et les rapprocher de soi. Douzièmement, accepter leur comportement en les imitant. Treizièmement, les aider et s'allier avec eux dans leur injustice. Quatorzièmement, les conseiller pour les rendre meilleurs. Quinzièmement, habiter avec eux dans leur demeure et leur pays. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui s'assoit avec l'associateur et habite avec lui est comme lui. » Seizièmement, entrer dans leur complot, participer avec eux dans l'élaboration et la réalisation de leurs stratagèmes, ou faire de l'espionnage pour eux et combattre dans leurs armées. Dix-septièmement, celui qui s'enfuit du pays de l'islam pour vivre avec les mécréants, car il déteste les musulmans et aime les mécréants. Dix-huitièmement, celui qui adhère au parti laïque et athée. Et Allahu a'lam.